يعني بعد غياب طويل après une longue absence ها نحن نعود إلى سيرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Nous voici revenir vers la biographie de notre bien-aimé Muhammad, prière et salut sur lui. وسأبدأ إن شاء الله حيث وقفنا في المرة الأخيرة et je vais reprendre de là où on s'est arrêté la dernière fois حتى يعني نذكر ما نسينا ainsi on peut rafraîchir la mémoire et effacer l'oubli. الحمد لله رب العالمين. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. والصلاة والسلام على أمير الأنبياء وإمام المرسلين. Et que les prières et les salutations soient sur l'émir des prophètes et l'imam des envoyés. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. أيها الإخوة والأخوات في الدين, mes frères, mes sœurs dans la religion, نتابع دروسنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الدرس الثامن والثلاثين. Nous allons poursuivre nos cours de biographie du messager de Dieu, prière et salut sur lui, avec le cours numéro 38. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه. Le prophète, prière et salut sur lui, a quitté la Mecque accompagné de son grand ami Abu Bakr, que Dieu soit satisfait de lui. Mutawajjihina ila al-janoub, ila al-Yaman, en prenant la direction du sud vers le Yémen. Wal asl an yatawajjaha ila al-shamal, tariq al-Madina, et normalement, ou bien en principe, il devait prendre la direction du nord pour aller vers Médine. توجه إلى الجنوب هكذا يتبعهم المشركون في اتجاه الشمال. هم ذهبوا للجنوب والمشركون سيذهبون للشمال. Ils ont pris la direction du sud pour que les associateurs prennent la direction du nord. فلا يجدونهم ويعودون خائبين إلى مكة. Ainsi les associateurs, après leur recherche, ils vont pas trouver le messager de Dieu, prière et salut sur lui, et ils vont revenir déçus vers la Mecque. Et c'était là le résultat de la planification prophétique et de l'utilisation des moyens que Dieu nous a ordonné d'utiliser. Et dans le tariq, Abu Bakr yamshi marra amam an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pendant le voyage, quelque temps, Abu Bakr, que Dieu soit satisfait de lui, devançait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il marchait devant le prophète, prière et salut. Mais pendant un autre moment, Abu Bakr revenait pour marcher derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fasa'alahu an-nabi عليه الصلاة والسلام عن ذلك. Et le prophète l'a interrogé à propos de ce comportement, une fois il est devant, une fois il est à l'arrière. فقال الصديق رضي الله عنه, et le vertueux, que Dieu soit satisfait de lui, a donné cette réponse. يا رسول الله, au messager de Dieu, إذا كنت خلفك, quand je suis à l'arrière, خشيت أن تؤتى من أمامك, je crains qu'on t'attaque de l'avant. وَإِذَا كُنْتُ أَمَامَكَ, et quand je suis à l'avant, خَشِيتُ أَن تُؤْتَ مِنْ خَلْفِكَ, je crains qu'on t'attaque de l'arrière. رواه ابن هشام, rapporté par ابن هشام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, et le messager de Dieu, prière et salut sur lui, lui dit, يا أبا بكر, لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني, لو كان شيء مصيبة يعني تحب أن تصيبك ولا تصيبني أنا رسول الله. Le messager lui dit, ô Abu Bakr, s'il y a quelque chose, s'il y a un malheur, aimes-tu qu'il te touche au lieu de me toucher قال الصديق رضي الله عنه et le vertueux que Dieu soit satisfait de lui a donné cette réponse نعم والذي بعثك بالحق oui par celui qui t'a envoyé par la vérité que c'est vrai رواه الإمام البيهقي rapporté par l'imam البيهقي il voulait que le mal le touche au lieu qu'il touche le messager de Dieu prière c'est pour ça on l'a appelé le vertueux ou le grand vertueux Abu Bakr فلما وصل إلى الغار من جبل ثور lorsqu'ils arrivèrent devant la grotte du mont ثور du mont Bœuf قال أبو بكر دي كما أنت يا رسول الله reste là où tu es au messager de Dieu ne bouge plus حتى أدخل فأرى هل فيه شيء jusqu'au point que je rentre dans la grotte d'abord moi le premier Abu Bakr pour voir y a-t-il quelque chose à l'intérieur فإن كانت فيه ذبة أصابتني قبلك dans le cas où il y a un animal un serpent ou autre il va me toucher avant de te toucher رواه ابن هشام rapporté comme ça par ابن هشام ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر Et le messager de Dieu est entré dans la grotte après Abu Bakr. وَبَاتَ تِلْكَ اللَّيْلَ فِي الْغَارِ Ils ont passé ensemble cette nuit dans la grotte. فِي زَمَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ À l'époque de Omar, que Dieu soit satisfait de lui, هُنَاكَ رِجَالٌ فَضَّلُوا عُمَرَ عَلَى أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ Il y avait des hommes à l'époque d'Omar, après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après le décès d'Abu Bakr, lorsque Omar était calife et était un grand juste, un grand équitable que le monde n'a jamais vu. Les gens ont préféré, quelques-uns ont préféré Omar par rapport à Abu Bakr. وصل الخبر إلى عمر et l'information est propagée jusqu'à atteindre Omar. فقال عمر رضي الله عنه Omar que Dieu soit satisfait de lui il leur a donné cette réponse والذي نفسي بيده par celui qui tient mon âme dans sa main c'est-à-dire par Dieu لليلة واحدة لليلة من أبي بكر خير من آل عمر خير من كل قبيلة عمر ليلة واحدة Min Abi Bakr, par celui qui tient mon âme dans sa main, une seule nuit de Abu Bakr est meilleure que tout le clan ou la tribu de Omar. يعني ليلة الغار التي قضاها أبو بكر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. Ça veut dire il signifiait par là la nuit qu'Abu Bakr a passé à côté du messager de Dieu prière et salut dans la grotte. رواه البيهقي rapporté par l'imam البيهقي وفي الصباح le lendemain au matin لما علم المشركون بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة lorsque les associateurs ont appris que le prophète prière et sa soeur a quitté et sorti de la Mecque توجهوا إلى دار أبي بكر ils se sont dirigés vers la maison d'Abu Bakr فخرجت إليهم أسماء sa fille أسماء est sorti pour leur répondre. فقالوا لها أين أبوك؟ Ils leur dirent où est ton père؟ قالت أسماء ذات النطاقين رضي الله عنها. La femme à deux ceintures, أسماء que Dieu soit satisfait d'elle, leur dit لا أدري والله أين أبي. Je ne sais pas par Dieu, je ne sais pas où se trouve mon père. وفي الحقيقة هي لا تدري أين وصل أبوها في تلك اللحظة؟ Mais en réalité, elle ne connaissait pas avec certitude où est arrivé son père à l'instant où on lui a posé la question. Elle connaissait qu'il est parti avec le prophète صلى الله عليه وسلم, mais elle ne voulait pas dire. Et en même temps, elle a donné une réponse juste. Elle n'a pas menti. Elle ne savait pas le lieu où est arrivé le prophète صلى الله عليه وسلم. هي لا تعرف ولكن لا تريد أن تكذب. وأعطت جوابا ما فيه كذب فرفع اللعين أبو جهل يده ولطمها على خدها حتى سقط قرطها et le maudit Abu Jahl a levé sa main et lui a donné une gifle sur sa joue jusqu'au point que son boucle ou sa boucle d'oreille est tombée ثم انصرف المشركون. Et après, les associateurs sont repartis. رواه ابن إسحاق, rapporté par ابن إسحاق. فاقتفوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم. Ils ont suivi les traces du prophète, prière et salut sur lui. حتى وصلوا إلى غار جبل ثور. Jusqu'au point qu'ils arrivèrent devant l'entrée de la grotte du mont ثور ou بوف. وقف المشركون أمام الغار. Les associateurs se sont arrêtés devant l'entrée de la grotte. وَرَآهُمْ أَبُو بَكْرٍ مِنَ الدَّاخِلِ. Et de l'intérieur, Abu Bakr les a vus. فَخَافَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ. Et il avait peur, pas pour lui, mais pour le prophète, prière et sage sur lui. وَقَالَ لَهُ. Il lui dit, يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا. Dans le cas où l'un d'eux regarde ou observe à côté ou regarde au niveau de ses pieds, il va nous observer. ويجيب الرسول صلى الله عليه وسلم صاحبه. Et le messager de Dieu, prière et sage lui, donne cette réponse à son compagnon Abu Bakr. بإجابة كلها إيمان ويقين بالله. Une réponse pleine, totalement de foi et de certitude en Dieu. الإجابة خارج من فم الذي صعد فوق السماوات وتكلم مع الله. La réponse est sortie de la bouche de celui qui est monté au-dessus des cieux et qui a parlé en direct avec Dieu. الإجابة خارجة من فم الذي خرج في الليل بين صفوف المشركين وهم حاملي سيوفهم فوضع التراب على رؤوسهم وهم لا يرونه. La réponse sortait de la bouche de celui qui est sorti pendant la nuit entre parmi les rangées des associateurs qui portaient leurs épées et il a déposé de la terre sur leur tête et ils n'arrivaient pas à le voir. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصديق رضي الله عنه. Le prophète prière et sage lui dit au vertueux que Dieu soit satisfait de lui. يا أبو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. Que penses-tu de deux dont leur troisième est Dieu? Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad, unanimement authentique. La ilaha illallah, il n'y a aucune divinité à part Dieu. Wa yu'mi Allahu absar al-mushrikin marra thaniya. Et pour la deuxième fois consécutive, Dieu a aveuglé les regards des associateurs. فَلَا يَرَوْنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَصَاحِبَهُ. Et ils n'ont pas pu voir le prophète, prière et sage lui, et son compagnon qui était devant eux, un mètre ou deux qui les séparait. الْمَرَّ الْأُولَى كَانَتْ بِاللَّيْلِ وَالْمَرَّ الثَّانِيَ كَانَتْ بِالنَّهَارِ. La première fois avait lieu pendant la nuit et la deuxième fois avait lieu pendant le jour. Pendant le jour, ils n'ont pas pu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَيَنْظُرُ الْمُشْرِكُونَ إِلَى الْغَارِ. Les associateurs étaient en train de regarder de près la grotte. هُنَا انْتَهَتْ أَثَارُ مُحَمَّدٍ sallallahu alayhi wa sallam. Là, les traces de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont pris fin. C'est-à-dire qu'il est à l'intérieur. الْمُفَاجَأَ. La surprise. يَرَوْنَ عَلَى بَابِ الْغَارِ نَسْجَ الْعَنْكَبُوتِ. Ils vont repérer sur l'entrée de la grotte la toile d'une araignée. فَقَالُوا. Ils dirent, لَوْ دَخَلَهَا هُنَا أَحَدٌ لَمْ يَكُنْ نَسَجَ الْعَنْكَبُوتُ عَلَى بَابِهِ. Dans le cas où quelqu'un est entré là, l'araignée ne pourrait pas faire sa toile ou tisser sa toile sur l'entrée. رَوَاهُ أَحْمَدْ بِسَنَدٍ حَسَنٍ. Rapporté par l'imam Ahmed avec une chaîne satisfaisante. المشركون أمام الغار. Les associateurs sont juste devant la grotte. سيوفهم في أيديهم. Leurs épées dans leurs mains qui sont levées. يريدون قتل محمد صلى الله عليه وسلم. Ils cherchaient à mettre fin à Muhammad, prière et sagerie. فيقول الله لأعينهم أن تنظر ولا ترى. Et Dieu dit à leurs yeux de regarder sans voir. ماذا يستطيعون أن يفعلوا؟ Que peuvent-ils faire devant la puissance de Dieu subhanahu wa ta'ala? Le moyen avec lequel ils vont repérer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu l'a annulé. يا أعين انظري ولا تبصري. ويقول الله تعالى للعنكبوت انس شبكتك على الباب. et Dieu le Tout-Puissant parle avec l'araignée et lui dit, tisse ta voile sur l'entrée. La ilaha illallah, il n'y a aucune divinité à part Dieu. Wa nasara Allahu habibahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam kama talabahu an-nabi alayhi as-salatu was-salam 'inda khurujihi min Makkah fi hadhihi al-aya. Et Dieu a assisté, a soutenu son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam exactement comme le prophète lui a demandé lors de sa sortie de la Mecque. Dans ce verset coranique, lamma kharaja an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min Makkah, lorsque le prophète a quitté la Mecque, qala waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya rab taraduni. Waj'al li min ladunka sultanan nasira, et donne-moi de ta part un pouvoir défenseur. Ba'da tis'i sanawat يقول الله للمؤمنين في غزوة تبوك. 9 ans par la suite, Dieu dit aux croyants pendant l'expédition, la bataille de Tabouk, مذكرا إياهم هذا النصر الرباني, pour leur rappeler cette grande victoire divine. إلا تنصروا في هذه الغزوة تبوك يا مؤمنين إلا تنصروا محمدا حبيبي محمدا. لما تحبوش تنصروه والله يتكلم معنا حتى نحن. إلا إن كنا لا نريد نصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزنن الله معنا. Si vous ne lui apportez pas assistance. Et Dieu parlait avec les croyants à l'époque, mais Dieu s'adresse à nous aussi, à notre époque, si on ne veut pas prêter assistance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dieu la lui a effectivement apportée lorsque ceux qui avaient mécru le firent sortir deuxième de deux quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, ne te chagrine pas. Dieu est avec nous. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها كانت جنود الرحمن مع محمد صلى الله عليه وسلم وأيده بجنود لم تروها. Et Dieu fit descendre sur lui sa sérénité, le soutint par des armées que vous ne voyez point. Des armées invisibles était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des océans d'armées invisibles séparaient le prophète des mécréants. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وستبقى دائما إلى يوم القيامة هي العليا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Et fit que la parole de ceux qui avaient mécru fait la plus basse, la parole de Dieu est la plus haute et Dieu est toujours puissant et sage. Kalimat al-kuffar hiya shirk, la parole des associateurs était l'association de dire qu'il y a un autre Dieu avec Dieu. Kalima soufla mahzouma, cette parole était inférieure, basse, vaincue. Wa kalimatullahi hiya la ilaha illallah, mais la parole de Dieu fut, il n'y a aucune divinité à part Allah. Kalima aliya mansoura, une parole haute et triomphante. Wa raja'a al-mushrikuna kha'ibina ila Makkah, les associateurs sont revenus avec plein de déceptions dans le cœur vers la Mecque. وقرروا إعطاء مكافأة كبيرة قدرها 100 ناقة مقابل كل واحد من الاثنين لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين. Ils ont décidé de donner une prime, une grande prime, égale à 100 chamelles pour celui qui va apporter les deux têtes de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et d'Abu Bakr vers Quraysh, qu'ils soient vivants ou morts. Ils ont informé toutes les tribus de cela, comme quoi celui qui apporte les deux prendra de la part des Quraishites 100 chamelles, 100 Mercedes d'aujourd'hui. Dernier cri. يعني 100 ناقة معنى 100 مرسيدس اليوم. ما أدري كم الثمن. وصارت كل الطرق تحت المراقبة الشديدة. Et tous les chemins de la Mecque vers Médine sont devenus sous haute surveillance. Personne ne peut bouger à l'époque sans être repéré par les Arabes. وَبَقِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ كَيْفَ سَيَفْعَلْ Comment va-t-il faire pour déjouer la surveillance وَبَقِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مُدَّةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْغَارِ حَتَّى يَهْدَأَ الطَّلَبْ وَيَظُنَّ النَّاسُ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ابْتَعَدَ كَثِيرًا مِنْ مَكَّةِ Le prophète prière et sa souli est resté pendant trois jours à l'intérieur de la grotte jusqu'à ce que la recherche se calme et jusqu'à ce que les gens pensent que le prophète prière et sa souli est devenu très loin de la Mecque et sa banlieue. Ça veut dire qu'il est parti, on ne l'a pas trouvé. وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم خطة حكيمة. Le prophète prière et sa souli a pensé ou a fait un plan très sage. قبل الخروج من مكة. Et ceci avant la sortie de la Mecque. Un plan bien réfléchi. أولا, premièrement, سلم الناقتين لعبد الله بن أريقط ليأتيهما إلى الغار بعد ثلاثة أيام. La première des choses, il a donné les deux chamelles, les deux montures du voyage, à Abdullah, fils de Urayqit, afin qu'il vienne vers eux après trois jours vers la grotte. On lui a désigné l'endroit de la grotte et tu dois venir avec les deux chamelles trois jours après notre sortie. واستعمله مقابل أجرة ليكون أعطاه أجرة ليكون دليلهما إلى المدينة. Et il l'a, il l'a recruté en contrepartie d'un salaire pour que ce dernier soit un guide pour eux de la Mecque vers Médine. وكان هذا الرجل مشركا. Cet homme était un associateur. خبيرا بالطريق. Mais c'était un connaisseur, un expert des chemins entre la Mecque et Médine. وَكَانَ أَمِينًا يُحَافِظَ عَلَى السِّرِ Et c'était un homme digne de confiance qui ne dévoilait pas le secret. C'était ses qualités chez les gens à l'époque. ثانياً, deuxièmement, كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَبِيتُ عِنْدَهُمَا فِي الْغَارِ عَبْدُ اللَّهِ, fils de Abu Bakr, que Dieu soit satisfait des deux, du fils et de son père, passait la nuit dans la grotte avec son père et avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ويذهب الى مكه قبيل الفجر. Et il revenait à la Mecque juste avant l'aube. فيصبح في مكه كانه بات فيها. Et le lendemain tôt le matin, il était dans la Mecque comme s'il y passait la nuit. Ça veut dire dans la Mecque. يستمع طول النهار لاخبار المشركين. Il écoutait les nouvelles toute la journée, les nouvelles des associateurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, qu'est-ce qu'ils programment, etc. وبعد ظلام الليل يذهب للغار ليحكي لهما كل الأخبار. Et à la tombée de la nuit, il revenait vers le prophète صلى الله عليه وسلم dans la grotte pour leur raconter toutes les infos. Le journal de 20 heures. الشيء الثالث, troisièmement, كان عامر بن فهيرة راعي أبي بكر يرعى الغنم خارج مكة. عامر, fils de Fuhayra, le berger d'Abu Bakr, gardait les brebis d'Abu Bakr à l'extérieur de la Mecque toute la journée. وبالليل يمر بالغار. À la tombée de la nuit, il passait avec ses brebis devant la grotte. فيعطيهما اللبن. Il leur donnait le lait. ويعود إلى مكة. Et il revenait par la suite vers la Mecque. ويخرج بالغنم بعد الفجر من مكة. Et juste après l'aube, il prenait de nouveau les brebis pour quitter la Mecque vers la banlieue. وهكذا كانت الغنم تمحي أثر أقدام عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه. Ainsi, les brebis avec leurs pattes effaçaient toutes les traces que laissait Abdullah, fils de Abu Bakr رضي الله عنه. في الصباح وفي المساء. Elle effaçait les traces le matin et le soir. Rawahu al-Bukhari wa Ibn Hisham, rapporté par al-Bukhari et Ibn Hisham. Wa hakadha kanat al-akhbar wa at-ta'am yasiluna aw yasilani ila al-ghar 'inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kull yawm. Ainsi, chaque jour, les infos et le lait arrivaient jusqu'à la grotte chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ba'da thalathat ayyam, 3 jours par la suite, lamma hada al-bahth wa at-taftish 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la recherche et les inspections sont devenues calmes à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ja'a ad-dalil Abdullah ibn Urayqit ila al-ghar bin naqatayn, le guide Abdullah fils de Urayqit est venu vers la grotte avec les deux chamelles. Wa tawajjaha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa Abu Bakr wa ra'ihi Umar ou Amir ibn Fuhayra, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, que Dieu soit satisfait de lui, son berger Amir fils de Fuhayra, wa ad-dalil et le guide, tawajjaha al-arba'a ila al-janub, les quatre, c'est-à-dire avec le guide, se sont dirigés vers le sud, encore vers le sud et non pas vers le nord, vers le Yémen, il est le Yémen. ثم توجهوا غربا نحو الساحل. La Mecque est là. Ils se sont dirigés vers le nord et par la suite vers l'ouest, vers la mer Rouge, vers la côte. توجهوا الى الجنوب ومن بعد توجه الى الغرب نحو البحر. ثم توجه شمالا. Et après ils ont pris la direction du nord نحو المدينة vers Médine. قريبين من البحر الأحمر. Ils se déplaçaient à proximité de la mer Rouge. Ittaba'u tariqan ghayra ma'louf. Ils ont suivi un chemin non habituel ou non suivi par les gens d'habitude. Rawahu Ibn Hisham, rapporté par Ibn Hisham. Walakin raghma ittikhad al-asbab wa at-tadbir al-muhkam, mais malgré toute ou l'utilisation précise des moyens et malgré la sagesse, la grande sagesse de préparation de ce projet, et malgré toutes les précautions prises, tabi'ahum Suraqa ibn Malik. Suraqa, fils de Malik, ce grand associateur, les a suivis. Inda qabilat Bani Mudlij, lorsqu'ils sont arrivés au niveau de la tribu qui s'appelle les enfants de Mudlij. وكان يريد المئتي ناقة. سراقة cherchait les 100 ناقة. سراقة cherchait les 100 شمال. سراقة يبحث عن المئتي ناقة, les 200 شمال. فسراقة كان جالسا مع أصحابه. سراقة prenait place au milieu de ses amis. فجاء رجل من قومه وقال, un homme de sa tribu est venu pour dire, رأيت Aswidatan bis-sahil, j'ai observé de loin quelques silhouettes au niveau de la côte ou auprès de la mer Rouge. Arahuma adun Muhammadan wa ashabah. Je pense que ce sont les silhouettes de Muhammad et de ses compagnons. Wa arafa Suraqa annahum fi'lan Muhammadan wa ashabah sallallahu alayhi wa sallam wa radiya an as-sahaba. Et Suraqa avait la certitude intérieure que c'était vraiment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Walakinahu qala amama ashabihi, mais il a dit devant ses compagnons, devant ses amis, innahum laysu ulaik, ce ne sont pas eux. Walakinaka ra'aita fulanan wa fulanan intalaqu amamana, mais tu as vu telle et telle personne qui sont partis de chez nous et devant nous. Wa ba'da sa'a ترك أصحابه هو يريد الكنز لنفسه. Il cherchait le trésor pour lui-même. Il voulait pas partager les 200 chamelles avec les autres. وبعد ساعة ترك أصحابه. Après une heure, il a abandonné ses amis. وتبع خفية أثر محمد صلى الله عليه وسلم. Et discrètement, il a suivi les traces de Muhammad, prière et salut sur lui. فلما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. Lorsqu'il s'est approché de Muhammad, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa sami'a qira'atahu lil Qur'an, il a entendu sa récitation coranique, ça veut dire il est devenu tout proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entend sa voix. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la yaltafit, le prophète prière et s'assurait ne se retournait pas, il est avec Dieu, huwa ma'a Allah. Wa Abu Bakr kha'if ani an-nabi sallallahu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa yaltafit kathiran, Abu Bakr avait trop peur pour le qu'un malheur touche ou qu'un mal touche le prophète prière et sa suite. Il se retournait sans cesse à gauche à droite. فعثرت فرسه. Et son cheval a trébuché, le cheval de Suraqa a trébuché. فسقط Suraqa. Suraqa a chuté du haut de son cheval. ثم قام وتبعهم حتى اقترب منهم. Et il n'a pas voulu lâcher. Il se leva et il les a suivis jusqu'au point de se rapprocher d'eux une deuxième fois. فساقت غاصت دخلت يد فرسه في الأرض. Et les pattes de devant, les pattes d'avant de son cheval se sont enfoncées dans le sol. وَالْأَرْضُ جِدُّ صَلْبًا. Et le sol à cette région, le sol est très dur. فَسَقَطَ سُرَاقَ مَرَّ ثَانِيَةً. Et Suraqa a chuté une deuxième fois. وَلَمَّا أَخْرَجَتْ فَرَسُهُ يَدَيْهَا بِصُعُوبَةً. Lorsque son cheval a pu faire ressortir ses pattes du sol avec beaucoup de difficulté, kharaja ghubarun sati'un fi as-sama', une grande poussière éclatante est sortie jusqu'au point d'atteindre le ciel, mithl ad-dukhan, comme de la fumée. Fahima Suraqa annahu amama nabiy. Suraqa a compris rapidement qu'il est face à un prophète. Cette fumée qui sort comme ça jusqu'au ciel, les pattes du cheval qui s'enfoncent dans du sol dur. فقال, il a dit, يا نبي الله, ô prophète de Dieu, مرني بما شئت, demande-moi ce que tu veux, je le fais. قال له النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et sa soulie lui dit, قف مكانك, لا تتركن أحدا يلحق بنا, reste à ton poste ou là où tu es maintenant et ne laisse personne nous rejoindre, ça veut dire parmi les associateurs. فكان سراقة في بداية يومه جاهدا في القضاء على محمد صلى الله عليه وسلم. À son matin ou la matinée, Suraqa faisait tout son possible pour mettre fin à Muhammad صلى الله عليه وسلم. فصار في آخر النهار مدافعا عنه. Mais à la fin de la journée, il est devenu un grand défenseur de Muhammad صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري, rapporté par l'imam al-Bukhari. وهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. Et il s'agit là d'un grand miracle du prophète, prière et sa soulie, rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique. La ilaha illallah, il n'y a aucune divinité à part Allah. لم يقدروا عليه في ذلك الزمن, سيقدرون عليه في هذا الزمن. Ils n'ont pas pu l'atteindre à tel ou à cette époque, ça veut dire depuis 1400 ans, vont-ils pouvoir le toucher ou toucher son honneur à notre époque? Ayyad Allahu nabiyahu bi junudin min al-mala'ikati la tura. Dieu le Très-Haut a soutenu son prophète avec des soldats invisibles. Wa fi at-tariq marra an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi khaymati imra'a ismuha Umm Ma'bad. Dans son chemin vers Médine, le prophète, prière et sa soulie, à un certain moment, est passé devant la tente d'une femme qui s'appelle la mère de Ma'bad, Ummu Ma'bad. وكانت عندها شات لا حليب لها. Elle possédait une brebis qui n'avait pas de lait, qui ne donne pas de lait du tout. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة أن يحلب الشات. Et le prophète صلى الله عليه وسلم, il a demandé à cette dame de lui donner l'autorisation de traire sa brebis. فقبلت أم معبد. La mère de معبد a donné son autorisation. Il n'y a pas de lait, prends. وملع النبي صلى الله عليه وسلم الإناء من حليب تلك الشات. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rempli tout le récipient du lait fourni par cette brebis. Fasharibu, et ils ont tous bu. Thumma halabaha wa taraka laha al-ina mal'an. Et après, il a renouvelé sallallahu alayhi wa sallam la traite et lui a laissé, il est parti en lui laissant le récipient bien rempli. Rawahu ibn Ishaq وغيره ورواه البيهقي, rapporté par Ibn Ishaq, rapporté aussi par l'imam al-Bayhaqi et par d'autres. وهذه معجزة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم. Il s'agit là d'un autre miracle du prophète, prière et salut sur lui. وقبل الوصول إلى المدينة, et avant d'arriver à Médine, التقى النبي صلى الله عليه وسلم بقافلة راجعة من الشام. Le prophète صلى الله عليه وسلم a rencontré enfin une caravane revenant de la Sichem, ça veut dire de la Palestine et la Syrie. فيها الزبير رضي الله عنه. Dans cette caravane, il y avait الزبير, que Dieu soit satisfait de lui. فكس الزبير رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه بثياب أو ثياب بياض جديدة. Et الزبير a donné comme cadeau au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à Abu Bakr deux vêtements blancs et neufs. Biha yadkhuluna al-Madina, ainsi avec ces nouveaux vêtements, ils vont entrer vers ou dans Médine, bien sûr, en ayant la possibilité de changer les habits qui sont devenus sales à cause du voyage. Rawahu l'imam al-Bukhari, rapporté par l'imam al-Bukhari. وهنا أقوم ببعض الملاحظات. Et là, je vais formuler quelques remarques. الملاحظة الأولى, la première remarque, النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر نهارا أمام الناس. Le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas démarré son hégir le jour devant les gens. رغم أنه شجاع, malgré qu'il était courageux. ولا يخاف من الناس, et malgré qu'il n'avait pas peur des gens, والله موجود ليحمي, et Dieu est là pour le protéger. لماذا؟ Pourquoi؟ لأنه قدوة لكل المسلمين, parce que il était le modèle et l'exemple pour tous les musulmans. ومن بين المسلمين يوجد الضعيف, et parmi les musulmans se trouve le faible. فهاجر صلى الله عليه وسلم ليلا واختفى في الغار إلى آخره ليبين للمسلمين وخصوصا الضعفاء أن ذلك جائز. Il a commencé l'hégir pendant la nuit. Il s'est caché pendant trois jours dans la grotte pour montrer à tous les musulmans et surtout les faibles parmi eux comme quoi cela est permis en islam. وهذه رحمة منه صلى الله عليه وسلم لأمته. Et il s'agit là d'une clémence, d'une miséricorde de sa part pour sa communauté, صلى الله عليه وسلم. الشيء, الملاحظة الثانية, la deuxième remarque. النبي صلى الله عليه وسلم قام بتخطيط دقيق وبتنظيم عجيب واتخذ كل الاحتياطات. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une planification très précise, une organisation extraordinaire, et il a pris de son côté toutes les précautions pour faire ce voyage. Kharaja laylan, il est sorti pendant la nuit. Wa dakhala al-ghar thalathat ayyam, il est entré dans la grotte pendant trois jours. Ittajaha januban وليس شمالا, il a pris la direction du sud malgré que lui il voulait aller vers le nord. عبد الله ابن ابي بكر ياتي بالاخبار ليلا. عبد الله fils de Abu Bakr apportait les infos pendant la nuit. الراعي ياتي بالحليب, le berger apportait le lait. ويخفي اثار عبد الله بالغنم, et cachait les traces laissées par عبد الله par les pattes, avec les pattes de ses brebis, il a akhiré, etc. كل هذا لإنجاح مشروعه. Tout cela pour faire réussir son projet d'émigration ou d'égir. يعني هو في الحقيقة منصور من الله. لا يفعل كل هذا. Normalement, lui, il est soutenu par Dieu. Il n'a pas besoin de faire tout cela. ولكن قام بكل هذا, malgré qu'il est assisté à 100% par Dieu, il a fait tout cela, toute cette planification précise, toutes ces hautes précautions afin de réussir dans son projet. يعني لا يوجد في الإسلام العفوية. Cela signifie que en islam, il n'y a pas l'improvisation, il n'y a pas la spontanéité. فالإسلام دين النظام والتنظيم. L'islam est la religion de l'ordre et de l'organisation et de la bonne gestion et la planification. لا يوجد في الإسلام تفعل الأمور في آخر دقيقة. Il n'existe pas en islam ce que font la majorité des musulmans d'aujourd'hui, faire les choses à la dernière minute. Et après, Dieu est là pour. Hein? À la dernière minute, on fait. آخر دقيقة ونعمل لا. والله يعني سيعين لا. لابد من تدبير وتخطيط لكل مشروع. Il est nécessaire de faire la planification, la programmation, l'organisation de chaque projet. لابد من الأخذ بكل الأسباب والإحتياطات. Il est nécessaire d'utiliser tous les moyens possibles et prendre toutes les précautions possibles. هذا واجب. Il s'agit d'une obligation. Il s'agit d'un devoir dans notre religion. وبعد ذلك توكل على الله. Et une fois tu as fait tout cela, remettons à Dieu. Compte sur Dieu à ce moment-là. هذا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est exactement ce qu'a fait le messager de Dieu, prière et salut sur lui. قام بكل الاحتياطات. Il a utilisé ou il a pris toutes les précautions. قام بالواجب. Il a accompli son devoir. ولكن رغم ذلك, mais malgré tout cela, وصل الكفار إلى باب الغار. Mais malgré toutes les précautions, les associateurs sont arrivés jusqu'au ou jusqu'à l'entrée de la grotte. فهنا توكل النبي صلى الله عليه وسلم على الله. Là, le prophète صلى الله عليه وسلم s'en est remis à Dieu. Là, il a compté sur l'aide de Dieu. J'ai fait tout mon possible. Maintenant, ils sont devant la grotte. C'est à toi, Dieu, c'est à toi, Allah, de œuvrer maintenant. هنا دافع الله عنه. Là, Dieu a pris sa défense. قام بكل الاحتياطات. Le prophète صلى الله عليه وسلم a pris toutes les précautions. ورغم ذلك تبعه سراقة حتى وصل عنده بقي بينه وبين بضعة أمتار. Et malgré toutes les précautions, le prophète صلى الله عليه وسلم a été suivi par سراقة jusqu'au point que quelques mètres les séparaient. فتوكل على الله. Et là, le prophète صلى الله عليه وسلم s'en est remis à Dieu. هنا دافع عنه الله. Là, Dieu سبحانه وتعالى a pris sa défense. أنت وأنا أنت واجبك أن تستعمل كل الأسباب التي تحت قدرتك. Mon frère ou ma sœur, ton devoir, c'est d'utiliser tous les moyens dont tu es capable et qui sont halal, bien sûr. ولكن لا تظن أن الأسباب المستعملة هي التي تأتي بالنتائج. Mais une fois tu as fait tout ton possible, tu as utilisé tous les moyens, ne pense pas que les résultats viennent grâce à ces moyens utilisés. النتائج بيد الله. Les résultats appartiennent à Dieu. Les résultats de ton œuvre appartiennent à Dieu. لهذا توكل على الله. Raison pour laquelle tu dois t'en remettre à Dieu. لا تتوكل على الأسباب. Tu ne dois pas compter sur les moyens, mais compte sur le Seigneur des moyens. واستعن بالدعاء الكثير حين استعمال الأسباب وبعدها. Et fais-toi aider par les nombreuses invocations avant et après l'utilisation des moyens. وهذا في كل الميادين. Et cela est vrai dans tous les domaines. مشروع زواج, un projet de mariage. مشروع تربية أولاد, un projet d'éducation des enfants. مشروع الدراسة, un projet d'études scolaires, إلى آخره, etc. Donc, tous les domaines, tu dois faire comme a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais tu ne dois pas agir à la dernière minute et tu dis, subhanallah, tout ce que je fais aboutit à l'échec. C'est toi la cause, mon frère ou ma sœur. الشيء الثالث, الملاحظة الثالثة, يجوز استعمال غير المسلم لإنجاح مشروع إسلامي وإعطائه أجر على ذلك. Il est permis de se faire aider par un non-musulman pour faire réussir un projet islamique et bien sûr lui donner à ce non-musulman, lui donner un salaire en contrepartie. إِذَا كَانَ غَيْرُ الْمُسْلِمْ أَمِينًا, dans le cas où le non-musulman est digne de confiance. وَخَبِيرًا فِي ذَلِكَ الْمَيْدَانِ, et dans le cas où le non-musulman utilisé est expert dans ce domaine-là. كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَعَ الدَّلِيلِ دليل السفر عبد الله ابن أريقط exactement comme le prophète صلى الله عليه وسلم a fait avec le guide de son voyage عبد الله fils de أريقط. النقطة الرابعة, le quatrième point, أبو بكر رضي الله عنه بين في هذا السفر كيف يجب أن يكون المؤمن المثالي. أبو بكر, que Dieu soit satisfait de lui, a montré, a indiqué dans ce voyage comment doit-il être le croyant exemplaire. Tu veux être exemplaire? Fais comme Abu Bakr. Fi hubbihi li Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Comment doit-il être le croyant exemplaire dans son amour pour le messager de Dieu, prière et salut sur lui. Akhad al-mal kull, il a pris toute sa fortune. ترك عائلته بلا شيء, il a abandonné sa famille sans rien, sans aucun argent. ضحى بالمال, il a sacrifié l'argent. وظف افراد عائلته, ابنه عبد الله ياتي بالاخبار, il a employé les membres de sa famille, son fils Abdullah apportait les informations. ليلا, pendant la nuit. ابنته أسماء ذات النطاقين أعدت الطعام للسفر. Sa fille أسماء, la femme aux deux ceintures, a préparé les provisions du voyage ou a préparé le repas du voyage. ولم تكشف سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئلت, elle n'a pas dévoilé le secret du prophète صلى الله عليه وسلم lorsque les associateurs lui ont posé la question. فلطمها أبو جهل, et أبو جهل lui a donné une gifle. راعي عامر يأتي بالحليب, son berger عامر apporté le lait إلى آخره, etc. وضحى بنفسه رضي الله عنه, il a sacrifié sa fortune, il a sacrifié ses proches, et après il a sacrifié sa propre personne pour protéger le prophète صلى الله عليه وسلم. ومن بعد ضحى بماله, ضحى بأولاده وعائلته, وضحى بنفسه من أجل حماية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المسلم المثالي, tel est le croyant exemplaire. كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم من الأمام, il protégeait le prophète, prière et salut, de l'avant, ومن الخلف, et de l'arrière. ودخل الغار قبل النبي صلى الله عليه وسلم, il est entré dans la grotte, une grotte sauvage, dans une montagne, peut-être il y a une vipère dedans. دخل الأول, il est entré le premier. وبكى من الفرحة لما علم أنه صديق الرحلة, il a pleuré de joie lorsqu'il a su que c'était lui le choisi comme compagnon du prophète صلى الله عليه وسلم. وبكى من الحزن خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقترب الخطر. Et de la même manière, il a pleuré de chagrin et de tristesse lorsqu'il a senti que le danger s'approchait du prophète صلى الله عليه وسلم. فشرفه الله, et Dieu l'a anobli. وذكره في القرآن, et il l'a cité dans le Saint Coran. واعترف له بالصحبة, et Dieu lui a reconnu la compagnie. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزنن الله معنا. Deuxième de deux, quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, ça veut dire Abu Bakr, ne te chagrine pas, Dieu est avec nous. اثنان النبي وأبو بكر والله ثالثهما, ils étaient deux, Abu Bakr et le prophète صلى الله عليه وسلم, et leur troisième était Dieu. ففهم العلماء أن Dieu était le troisième. ففهم العلماء أن هذه الآية فيها دلالة. Les savants en islam ont compris que ce verset cache une indication. على أن أبا بكر هو الذي يستحق أن يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Ils ont compris que Abu Bakr mérite d'être le calife après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختاره للصحبة من بين كل الصحابة. Le prophète l'a choisi pour être son compagnon. Le choix a été fait parmi tous les compagnons. Il n'a pas choisi Othman, il n'a pas choisi Omar, il n'a pas choisi Ali, il n'a pas choisi les autres. Il a choisi Abu Bakr. وَوَصَفَهُ اللَّهُ بِثَانِيَتْنَيْنِ Et Dieu l'a décrit par deuxième des deux. فَهُوَ الثَّانِي بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Ça veut dire il est le deuxième classé auprès de Dieu, deuxième après le messager de Dieu. وَلَا نَنْسَ أَنَّ أَبَا بَكْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ On ne doit pas oublier qu'Abu Bakr, que Dieu soit satisfait de lui, كَانَ صَاحِبًا لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَبْلَ الرِّسَالَةِ On ne doit pas oublier quel était le compagnon et le grand ami du messager avant même la réception du message. وَأَوَّلْ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الرِّجَالِ Il fut le premier qui a embrassé l'islam parmi les hommes. وَبَعْدَ إِسْلَامِهِ مُبَاشَرَةً أَتَى بِالْعَشَرَاتِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَأَقَارِبِهِ كَمُسْلِمِينَ أَوَائِلْ Juste après son islam, il est passé à l'action, comme on l'a vu, je le rappelle seulement, il a apporté ou il a ramené des dizaines d'hommes et de femmes de ses amis et de ses proches pour se convertir à l'islam. هَكَذَا فَعَلَ أَبُو بَكْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ Ainsi a agi Abu Bakr, que Dieu soit satisfait de lui. وَأَنْتَ أَخِي أُخْتِي Et toi, frère ou sœur, مَذَا فَعَلْتَ لِلْإِسْلَامِ Qu'est-ce que tu as fait pour l'islam? يَوْمَ تَقِفْ أَمَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Le jour où tu vas t'arrêter devant le messager de Dieu, prière et sagerie, وَيَسْأَلُكْ Et il va t'interroger, مَذَا فَعَلْتَ لِلْإِسْلَامِ Qu'est-ce que tu as fait pour l'islam? مَذَا سَتَقُولُ Qu'est-ce que tu vas lui dire? خَامِسًا الْمُلَاحَظَةُ الْخَامِسَةُ وَالْأَخِيرَةُ La cinquième et dernière remarque, وَقَعَتْ مُعْجِزَاتٌ كَثِيرَةٌ أَثْنَاءَ الْهِجْرَةِ آخِرُهَا مَعَ سُرَاقَةٍ Il y a eu plusieurs miracles pendant l'hégire, dont le dernier était avec Suraqa. قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Le prophète, prière et sur lui dit, كَيْفَ بِكَ إِذَا لَبِسْتَ سِوَارَي كِسْرَى دبالج ديال كسرى كسرى يعني إمبراطور أكبر ملك في ذلك الوقت ديال إيران ديال الفرس إمبراطورية عظمى كيف تدير نهار تلبس السواري ديال كسرى كيف بك إذا لبست سواري كسرى كومون سيغاتو Le jour où tu vas porter les deux bracelets de Kisra. Kisra, c'est le grand empereur perse à l'époque. Dont tout le monde tremblait lorsqu'on citait le nom de cet empereur. النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوه من مكة. Le prophète, prière et sagerie, on l'a chassé de la Mecque. ولا قوة له. Il n'avait aucune force à l'époque. Il n'avait aucune puissance matérielle. Je ne parle pas de la puissance de Dieu, subhanahu wa ta'ala. وفي تلك الظروف, dans ces circonstances de faiblesse, يبشر سراقة أن المسلمين سيقضون على القوة العظمى الفارسية. Dans ces circonstances de faiblesse, il a donné la bonne nouvelle à Suraqa, comme quoi les musulmans vont mettre fin à la plus grande puissance mondiale à l'époque. وسيلبس سراقة سوار الإمبراطور. Et comme quoi Suraqa va porter les deux bracelets de l'empereur. وتمر الأيام. Les jours passèrent. ويموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et le messager de Dieu est décédé. ويموت أبو بكر رضي الله عنه. Et le premier calife après lui, Abu Bakr, est décédé. وفي زمن عمر رضي الله عنه. Et à l'époque de Omar, le grand calife Omar, que Dieu soit satisfait de lui, تفتح أرض فارس. Les musulmans ont conquis la terre perse. ويصل إلى عمر سواري كسرى et les soldats apportèrent à Omar les deux bracelets de l'empereur ومنطقته et sa ceinture en or وتاجه et sa couronne فدعا عمر رضي الله عنه سراقة et Omar, que Dieu soit satisfait de lui, a appelé سراقة فألبسه إياهما هات يدك إلبس et lui a donné tes mains et lui a fait porter les deux bracelets de l'empereur. كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم conformément à la promesse faite par le messager de Dieu, prière et sajoui. Faqala Suraqa, et Suraqa dit Allahu Akbar. Dieu est très grand. Alhamdulillah. La louange entière est Allah, alladhi salabahuma Kisra, qui a enlevé ses deux bracelets à Kisra, l'empereur. Alladhi kana yaqulu ana rabbun nas, qui disait je suis le seigneur des gens. Wa albasahuma Suraqa ibn Malik, a'rabi min bani Mudlij. Et il les a fait porter à Suraqa, fils de Malik, un simple bédouin de la tribu de Banu Mudlij. Thumma arkabahu Omar. Et Omar lui a préparé une monture. Il est monté sur la monture. Watifa bihi fil Madina. Et on lui a fait le tour de Médine devant tous les gens. Suraqa avec les deux bracelets de l'empereur. Wannasu hawlahu. Les gens étaient autour de lui. Wa huwa yuraddid Allahu Akbar. Il répétait Allahu Akbar. Alhamdulillah. La louange est à Dieu. Rawahu Ibn Abd al-Barr fil Isti'ab. Ceci est rapporté par l'imam Ibn Abd al-Barr. Wa إلى حصة قادمة إن شاء الله يا une prochaine séance si Dieu le veut. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية. اللهم تقبل منا هذا العمل. اللهم كما جمعتنا اليوم مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيتك, اللهم اجمعنا معه غدا يوم القيامة في بيتك كذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.